premier. Allez, va chercher du renfort. Il y en a deux autres là-bas. Chaque fois qu'il y a une mission impossible, on nous envoie un éclaireur. Oui, je sais, tu ne m'as jamais vu si inquiet. Mais c'est parce qu'on ne revient jamais de cet endroit sinistre. René Char, le colosse poétique. Pourquoi René Char dans Original Choumi ? On est loin des circulations culturelles, on est dans la poésie française presque classique. Eh bien parce que René Char est un poète engagé, et cette découverte, j'avais envie de la faire partager aussi bien aux membres du collectif Rumininger qu'aux auditeurs de Radio Air Libre. La Sorgue, chanson pour Yvonne. Rivière trop tôt partie d'une traite sans compagnon, donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion. Rivière où l'éclair finit et où commence ma maison, qui roule aux marches d'oubli la rocaille de ma raison. Rivière, en toi terre et frisson, soleil, anxiété. Que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson. Rivière souvent punie, rivière à l'abandon. Rivière des apprentis à la caleuse condition, il n'est vent qui ne fléchisse à la crête de tes sillons. Rivière de l'âme vide, de la guenille et du soupçon, du vieux malheur qui se dévide, de l'ormeau, de la compassion. Rivière des farfelus, des fiévreux, des écarisseurs, du soleil lâchant sa charrue pour sa coquinée aux menteurs. Rivière des meilleurs que soi, rivière des brouillards éclos, de la lampe qui désaltère l'angoisse autour de son chapeau, rivière des égards aux songes, rivière qui rouille le fer, où les étoiles ont cette ombre qu'elles refusent à la mer, rivière des pouvoirs transmis et du cri en bouquant les eaux, de l'ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau. Rivière au cœur jamais détruit, dans ce monde fou de prison, garde-nous violents et amis des abeilles de l'horizon. Peut-être que pour certains auditeurs, ça doit paraître drôle quand je dis que René Char est une découverte. Et il se trouve que c'est une découverte récente. C'est vrai que la poésie est un monde qui n'est pas forcément facile d'accès, qui n'est pas ce qu'on lit forcément en premier. Mais les circonstances et le repos forcé ont fait que certaines œuvres de René Char sont tombées sous mon regard et je dois dire que mon point de vue sur la poésie et son absence de lien avec la réalité est complètement remis à zéro. Et voilà, donc je voulais un peu vous faire partager cette découverte de se révolter. Ce colosse, parce que c'est un homme très grand, un rugbyman, à peu près l'antithèse de ce qu'on imagine quand on, On pense à un poète éthéré, hors sol. Lui, non, c'était quelqu'un de très ancré, justement ancré dans la terre, ancré à l'île sur Sorgue, son patelin du Midi. C'est donc quelqu'un de révolté dès l'adolescence contre son milieu familial, contre les inégalités, les injustices. C'est aussi un résistant, pas un résistant de la fin de la guerre, un vrai résistant, puisqu'il a manqué des maquis, il s'est retrouvé à la tête de grands réseaux. C'est aussi quelqu'un foncièrement anticolonialiste, anticlérical, qui a même, et ça c'est assez rare parmi les anticolonialistes, refusé l'engagement dans le communisme, surtout le soutien à la Russie soviétique. C'est un hostile farouche combattant de Gaulle et du gaullisme. Et c'est un militant antinucléaire également. Donc on va passer une petite heure en compagnie de René Char, en espérant que ça vous touchera autant que ça me touche. La vie et l'œuvre de René Char sont liées à un lieu, l'île sur Sorgue dans le Vaucluse. C'est sur cette terre de soleil et d'eau que l'écrivain est né, en 1907. C'est là qu'il s'est définitivement établi dans sa maison des Buscla. En 1961. Il a pourtant participé en première ligne aux grandes révolutions du siècle, au surréalisme, au compagnonnage des maquis de la résistance. Mais ses tributs, rendus à l'histoire, les déceptions de la libération, l'ont ramené vers ses origines, vers ses territoires d'élection. L'auteur du Marteau sans maître et des Matinaux ne tourne pas le dos à la révolte, mais il en fait le moment d'un combat plus ample, plus essentiel, celui d'une renaissance de l'homme, d'une plénitude dont la poésie peut être le guide et la lumière. Paroles en archipel ou le nu perdu disent le refus de la défaite, l'exigence de la dignité et de la liberté. Ils disent aussi que toute la place doit être faite pour la beauté. Cette beauté que Char cherchait aussi dans sa collaboration avec les peintres Giacometti, Picasso, Vieira da Silva, Braque, Miró. Cette beauté de renaissance qu'il appelait encore lors de son mariage face au Ventoux en octobre 1987. Redonnez-leur ce qui n'est plus présent à eux. Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe. Apprenez-leur de la chute à l'essor. Les 12 mois de leur visage, ils chériront le vide de leur cœur jusqu'au désir suivant, car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres. Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits, point ne l'émeut l'échec, quoiqu'il ait tout perdu. René Char est né en 1907 à Lille sur la Sorgue et décédé à Paris en février 1988. Il est le cadet de 4 enfants, nés de René Char et de Marie-Thérèse Rouget. Son grand-père paternel était un enfant abandonné et lui-même perdit son père et ses parents très jeunes. Il a eu des conditions matérielles d'existence variable, sachant que son père était administrateur dans une usine de plâtre qu'il a essayé de reprendre à un moment donné, mais finalement il n'était pas trop axé sur le travail, en tout cas le travail rémunéré, le travail salarié. Dans ses révoltes, il y avait aussi le monde et l'univers du travail. Son enfance se passe donc à l'Île-sur-Sorgue. Il joue au rugby, il va au lycée à Avignon, il étudie le commerce à Marseille, il se passionne très tôt pour les grands classiques, François Villon, de Nerval, Baudelaire. Il voyage un peu dans sa jeunesse en Tunisie. Il travaille un peu malgré tout dans une maison d'expédition à Cavaillon et puis il effectue son service militaire. À cette époque, en 1928, il publie son premier recueil, « Cloche sur le cœur ». Par la suite de son enfance, René Char reviendra avec nostalgie, même si, dans les faits, son enfance fut ne fut pas faite que de poésie et de campagne. Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenues s'assemble autour de nos premiers pas. Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux, sous la garde d'être fort comme des chênes et sensible comme des oiseaux. En 1929, René Char fonde une revue, Méridien, avec André Cayat. Et puis, il envoie donc un des 26 exemplaires de son recueil à Paul Éluard, qui, après la lecture, décide de le rencontrer. À ce moment, après la visite de Paul Éluard, René Char décide de monter à Paris, où il rejoint toute la troupe surréaliste, Aragon, Breton, et il publie donc en décembre 1929 « Profession de foi du sujet » dans un numéro de la revue « La Révolution surréaliste ». En 1930, il fait le coup de poing dans un bar qui a eu le malheur et la mauvaise idée de s'appeler « Le Mal d'Aurore ». Il est blessé d'un coup de couteau dans l'aine. Il publie ensuite « Le tombeau des secrets », un texte collage avec Breton et Éluard. Par rapport au surréaliste, de ce que j'ai compris, c'est que René Char a toujours été un peu sceptique sur la question de l'écriture automatique et du collage. Mais il s'y essaie quand même pendant cette période. Il publie ensuite un ouvrage qui s'appelle « Ralentir travaux » avec Breton, Char et Éluard. Publie le surréalisme au service de la Révolution chez l'éditeur Corti, qui s'avère être aussi l'éditeur de William Blake en français. Donc prochainement, vous en entendrez à nouveau parler. Et d'ailleurs, José Corti, dans ses souvenirs, parle avec affection de sa rencontre avec René Char. Je crois que l'amitié que j'ai vouée à Char dès son arrivée à Paris s'explique d'abord parce qu'il était Lillois. José Corti est corse, lui. Nous étions presque du même village, presque voisins. Nos souvenirs d'enfance avaient la même couleur, la même sonorité, et il était attaché à son clocher autant que moi au moyen. Nous avions vécu la même jeunesse, connu à coup sûr les mêmes jeux d'enfants, les mêmes passions de chasse aux papillons et aux lézards. Il avait dû, comme moi, façonner par la torsion de l'extrémité d'un long stipe d'herbe folle, ce nœud coulant qu'un voile de salive tendue sur son ellipse allongée fait pareil à un miroir de dentiste. Instrument de capture hasardeux qu'il fallait tenir dans une immobilité absolue devant le nez du lézard gris, qu'on se rassure, la capture était rare. Elle n'était jamais que le triomphe de la patience et la proie affolée, mais qui avait pris leçon de prudence, s'était rendue à la nature. Char avait si bien la nostalgie de ses exploits qu'en 1927, il lui arrivait parfois de quitter le prisonnier de la rue de Clichy que j'étais pour sauter dans un taxi et se faire conduire à Saint-Cloud ou Meudon. Il y avait dans ses bois des mares et dans ses mares salamandres et tritons. Et José Corti continue. Char est comme Gracq, l'homme de la liberté et de la solitude, mais d'une solitude un peu apprivoisée. Il est aussi l'homme de l'approfondissement. Il creuse aussi droit qu'il peut, aussi loin qu'il a la force. Char, si serré dans son écriture, se livre dans la conversation et ne s'abandonne que dans son œuvre. Char ne croit probablement pas beaucoup à l'inspiration, mais au hasard d'une rencontre, à l'aimantation des êtres et des choses. Il sait que le poète est un médium qui perçoit, sait le lieu et la prise. Quand il laboure, il pèse sur la terre. Il va toujours plus loin. Il revient sur le sillon autant de fois qu'il faut. Un manuscrit de Char est toujours à la recherche de la dernière perfection. Je ne crois pas que Char ait jamais abandonné un poème qu'il habitait sous prétexte qu'il manquait de prise. C'est un homme d'action en même temps que de pensée. Un homme fort, qui commande, qui impose. faciles et des sillons bien clos, tout à fait insouciants d'une audience. Nous avons levé le front et les avons encouragés. Le plus disert s'est approché, puis un second, tout aussi déraciné et lent. Nous sommes venus, dirent-ils, vous prévenir de l'arrivée prochaine de l'ouragan de votre implacable adversaire. Pas plus que vous, nous ne le connaissons autrement que par des relations et des confidences d'ancêtres. Mais pourquoi sommes-nous heureux, incompréhensiblement, et soudain pareil à des enfants? Nous avons dit merci et les avons congédiés. Mais auparavant, ils ont bu, et leurs mains tremblaient, et leurs yeux riaient sur les bords. Hommes d'arbres et de cogniers, capables de tenir tête à quelque terreur, mais inaptes à conduire l'eau, à aligner des bâtisses, à les enduire de couleurs plaisantes, ils ignoreraient le jardin d'hiver et l'économie de la joie. Certes, nous aurions pu les convaincre et les conquérir, car l'angoisse de l'ouragan est émouvante. Oui, l'ouragan allait bientôt venir, mais cela valait-il la peine que l'on en parlât et qu'on dérangeât l'avenir? Là où nous sommes, il n'y a pas de crainte urgente. L'amitié avec Éluard, ce sont deux hommes qui sympathisent. Parce qu'ils ont mille goûts communs, la même révolte, le même goût de la féminité, mais qui, littérairement, ne sont vraiment pas faits pour s'entendre. Mais je crois que c'était la réunion d'un tempérament masculin et d'un tempérament, comme Charles disait d'Éluard, très féminin, si je peux le dire, sans passer pour phallocrate. Poète, cherche modèle pour poème. Séance de pause, exclusivement pendant sommeil réciproque. René Char, 8 Terres, rue des Saules, Paris. Inutile venir avant nuit complète. La lumière m'est fatale. Char est un solitaire né qui faisait sa poésie et qui n'est certainement pas homme de poésie de groupe. En plus, argument massu, l'écriture automatique, il n'y a jamais cru. Char se méfiait du surréalisme parce qu'il savait que c'était plus un art de vivre qu'un exercice de la poésie et que c'était un exercice de la poésie seulement, pour ainsi dire, marginalement. Capitaine Alexandre, c'est le nom de René Char pendant l'occupation, quand il participe à la résistance, les armes à la main. Il commande le service action de parachutage de la zone d'Urance. Dans les feuillets d'Hypnos, ses notes du maquis, il revient de manière ardente sur cette période. Dans Recherche de la base et du sommet, il y a des compléments au feuillet d'Hypnose. Poésie de René Char est éminemment pertinente et même si son phrasé semble suranné, je la trouve nécessaire en cette période dite de crise de la gauche, son inorganisation, sa corruption. Malgré tout, je crois que certaines valeurs valent le coup d'être défendues aussi dans le verbe haut. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. La bibliothèque est en feu. Nous disons la bibliothèque est en feu deux fois. Le message, la bibliothèque est en feu, est parti. Merci, ma chérie. Rentre vite chez toi. Les feux s'allument, l'appareil ami arrive. On échange les signaux convenus et le premier parachute est lâché. Mission accomplie, l'avion est déjà reparti mystérieux comme il était venu. Une fois de plus, à travers le ciel, les audacieux pilotes de la Royal Air Force et de l'aviation américaine ont armé la résistance française. Quel sort d'homme c'était dans le maquis? Lui? Oh, il était dur. Puis vous savez, il était ferme, violent juste. Voilà, c'est ça. Et j'ai jamais trouvé un chef de son genre. Il n'y a rien à faire. Parce que quand lui vous disait quelque chose, c'est que vraiment, il avait un motif. Et puis, je vous dis, il était précis. J'ai fait peut-être, je ne sais pas combien de missions pour lui, mais c'était toujours vraiment... Ce qu'il disait, ça se réalisait. Je remercie la chance qui a permis que les braconniers de Provence se battent dans notre camp. La mémoire sylvestre de ces primitifs, leur aptitude pour le calcul, leur flair aigu par tous les temps, je serais surpris qu'une défaillance survînt de ce côté, je veillerai à ce qu'ils soient chaussés comme des dieux. François, exténué par 5 nuits d'alerte successives, me dit « Je changerais bien mon sabre contre un café. » François a 20 ans. Nous errons auprès de Margel dont on a soustrait les pluies. Tout ce qui a le visage de la colère n'élève pas la voix. Le combat de la persévérance. Ce matin, comme j'examinais un tout petit serpent qui se glissait entre deux pierres, l'orvée du deuil, s'est écrié Félix. La disparition de Lefebvre, tuée la semaine passée, affleure superstitieusement en image. Les ténèbres du verbe m'engourdissent et m'immunisent. Je ne participe pas à l'agonie sphérique. D'une sobriété de pierre, je demeure la mère de lointains berceaux. L'avion déboule. Les pilotes invisibles se délestent de leur jardin nocturne, puis pressent un feu bref sous les selles de l'appareil pour avertir que c'est fini. Il ne reste plus qu'à rassembler le trésor éparpillé. De même, le poète. Tel un prédromore m'est apparu ce pauvre infirme que les miliciens ont assassiné à Vachère après l'avoir dépouillé des hardes qu'il possédait, l'accusant d'héberger des réfractaires. Les bandits, avant de l'achever, jouèrent longtemps avec une fille qui prenait part à leur expédition. Un œil arraché, le thorax défoncé, l'innocent absorba cet enfer et leur rire. Nous avons capturé la fille. Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. Redonnez-leur. Redonnez-leur ce qui n'est plus présent en eux. Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe. Apprenez-leur, de la chute à l'essor, les 12 mois de leur visage. Ils chériront le vide de leur cœur jusqu'au désir suivant. Car rien ne fait naufrage, ne se plaît aux cendres, et qui sait voir la terre aboutir à ses fruits, point ne l'émeut, l'échec, quoi qu'il ait tout perdu. Always wanna go to girls from club, always wanna hug you. Dogs from club, only I can slug you. It's alright, man, your girl is adorable. Two shots of vodka, and I gotta run. Hey yo, Shady is back. Old school dub controller. Wonder where the ladies is at. Put on the tape recorders. Follow my order, all your pretty senoras. Jump out the corner, act like you wanna. La vraie guerre laissera Char pessimiste quant à la situation politique en France. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Char n'était pas gaulliste. Dans cette période, il se rapproche de Camus dans L'homme révolté. Camus qui sera un ami indéfectible de René Char. Depuis Apollinaire, il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Char. Voilà, ça c'était un petit commentaire de Camus lui-même sur René Char. Leur amitié a laissé des traces puisque a été publiée et beaucoup de travaux ont été effectués sur leur correspondance. Lors de la polémique Sartre-Camus, autour justement de l'homme révolté, Camus, isolé, trouvera un soutien auprès de René Char, qui ne le laissera jamais tomber. Mais René Char, qui s'essaye malheureusement au domaine théâtral ou au cinéma, atteint sa maturité poétique dans les années 50 et 60, avec Les Matinaux, La Bibliothèque est en feu, Les Terra Amorosa, qui est un livre qui a été édité à plusieurs reprises avec des illustrations assez remarquables. Mais nous y reviendrons après, parce que Char a eu un rapport très étroit avec certains peintres. Donc Les Terra Amorosa a été illustré par Georges Braque et publié aussi avec Guirlande Terrestre, poème illustré lui par Jean Harpe. Il rend de nombreux hommages à cette période, à ses amis. Il rend des hommages à des poètes ou à des peintres dans ses textes, qu'on retrouve aussi dans Recherche de la base et du sommeil. Il y a des espèces d'odes à certains de ses amis ou à des poètes ou des peintres. Quand je parlais de prose et de poésie presque surannée, j'entends aussi par là qu'il y a une défense d'une certaine droiture, une certaine justesse et rigueur, et pas seulement dans l'engagement, mais aussi dans la vie quotidienne, qui n'est plus du tout dans les mœurs de notre époque. Quelque chose d'exalté et de fou presque, de d'éperdu. Voilà, c'est le mot que je cherchais, éperdu. De nombreux poètes ont encensé son travail, de nombreuses personnes ont encensé son travail. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est le laisser parler et vous lire quelques poèmes. Parce qu'au final, sa voix très particulière et son rythme de lecture valent mieux que de longs discours. L'ouragan dégarnit les bois. J'endors, moi, la foudre aux yeux tendres. Laissez le grand vent où je tremble s'unir à la terre où je crois. Son souffle affile ma vigie. Qu'il est trouble le creux du leurre de la source aux couches salies. Une clé sera ma demeure, feinte d'un feu que le cœur certifie. Et l'air qu'il atteint dans ses serres. Couché en terre de douleur, mordu des grillons, des enfants, tondé de soleil vieillissant, doux fruit de la brémonde. Dans un bel arbre sans essaim, vous languissez de communion, vous éclatez de division, jeunesse, voyante nuée. Ton naufrage n'a rien laissé qu'un gouvernail pour notre cœur, un rocher creux pour notre peur, ô Bius, barque maltraitée. Telle des mélèzes grandissant au-dessus des conjurations, vous êtes le calque du vent, mes jours, muraille d'incendie. C'était prêt, en pays heureux. Élevant sa plainte aux délices, je frottais le trait de ses hanches contre les ergots de tes branches, romarin, lande butinée. De mon logis, pierre après pierre, j'endure la démolition, seul sut l'exacte dimension, le dévot d'un soir de la mort. L'hiver se plaisait en Provence sous le regard gris des Vaudois. Le bûcher a fondu la neige. L'eau glissa bouillante au torrent. Avec un astre de misère, le sang a séché et trop lent. Massif de mes deuils, tu gouvernes. Je n'ai jamais rêvé de toi. renversée. Sur la route qui plonge au loin, ne s'élève plus un cheval. La ravinée dépite un couple, puis l'herbe d'une basse branche se donne un toit et le lui tend. Sous la fleur rose des bruyères ne sanglote pas le chagrin. Buse, Milan, Martre, Ratier et les funèbres farandoles se tiennent aux endroits sauvages. Le seigle trace la frontière entre la fougère et la pelle. Lâchez un passé négligeable. Que faut-il? La barre du printemps au front pour que le nuage s'endorme sans rouler au bord de nos yeux. Que manque-t-il? Bonheur d'être et galop éteint, hache enfoncée entre les deux. Bats-toi, souffrant, va-t'en, captif. La transpiration des bouchers hypnotise encore Mérindol. René Char n'est pas un homme de groupe, comme je vous l'ai dit, malgré qu'il ait pu être un homme de troupe, puisqu'il a résisté et est un combattant valeureux de la lutte antifasciste. Il n'est pas resté longtemps avec les surréalistes et il a plutôt toujours été porté à traîner et à être dans les marges de la société. Dès enfant, il s'est lié d'amitié à ce qu'il appelait, lui, les matinaux, ou encore les transparents, les vagabonds qui vivaient dans la campagne au rythme des saisons. « cet homme engagé s'est retrouvé dans des combats malgré la retraite dans laquelle il s'est réfugié dès les années 60. Il a quand même participé de loin, via ses écrits, via sa poésie, à des combats politiques et notamment au combat anti-nucléaire. Car tout près de chez lui, sur le plateau d'Albion, il y avait le projet de l'administration gaulliste d'installer des missiles. Je vais vous faire écouter un poème qu'il a écrit à cette occasion. Prédit missile dans un sol qui vous refuse des éboulements sans remède. Joueur de Cézanne, les cartes que le peintre mit dans votre main n'étaient point truquées. Le jeu exige à présent qu'elles le soient. Repoussez-les. Avec leurs minutieux travaux atomiques, site après site ravagé, ils rétabliraient la mer à apte. Tout finit par mourir, excepté la conscience qui témoigne pour la vie. Y'all don't know who you're messing with. Mirage des aiguilles. Ils prennent pour de la clarté le rire jaune des ténèbres. Ils soupèsent dans leurs mains les restes de la mort et s'écrient « Ce n'est pas pour nous ». Aucun viatique précieux n'embellit la gueule de leurs serpents déroulés. Leurs femmes les trompent, leurs enfants les volent, leurs amis les raillent, ils n'en distinguent rien. Par haine de l'obscurité. Le diamant de la création jette-t-il des cheveux obliques ? Promptement un leurre pour le couvrir. Ils ne poussent dans leur four, ils n'introduisent dans la pâte lisse de leur pain qu'une pincée de désespoir fromental. Ils se sont établis et prospères dans le berceau d'une mer où l'on s'est rendu maître des glaciers. Tu es prévenu. Comment, faible écolier, convertir l'avenir et détiser ce feu tant questionné, tant remué, tombé sur ton regard fautif. Le présent n'est qu'un jeu ou un massacre d'archers. Dès lors, fidèle à son amour comme le ciel l'est au rocher, fidèle, méché, mais sans cesse vagant, dérobant sa course par toute l'étendue montrée du feu, tenue du vent, l'étendue, trésor de boucher, sanglant à un croc. Aux portes d'Aérea, l'heureux temps. Chaque cité était une grande famille que la peur unissait. Le chant des mains à l'œuvre et la vivante nuit du ciel l'illuminait. Le pollen de l'esprit gardait sa part d'exil. Mais le présent perpétuel, le passé instantané, sous la fatigue maîtresse, otère les lisses. Marche forcée au terme épars. Enfants battus, chaumes dorés, hommes sagneux, tous à la roue. Visée par l'abeille de fer, la rose en larmes s'est ouverte. Devancier. J'ai reconnu dans un rocher la mort fuguée et mensurable, le lit ouvert de ses petits comparses sous la retraite d'un figuier. Nul signe de tailleur. Chaque matin de la terre ouvrait ses ailes au bas des marches de la nuit. Sans redite, allégé de la peur des hommes, je creuse dans l'air ma tombe et mon retour. Y'all don't know who you're messing with. Pose au château cloaque. De la ceinture de tison au reposoir des morves, du rêve gris au commerce avec rien, course, premier col, argile effritée, la terre, est-ce quelque chose ou quelqu'un? Rien à court, lorsqu'appelle la question, sinon une large barre, un opaque anneau et quelques serveuses d'approche. De l'air qui s'ouvre, au commencement était le poison. Rien ne peut s'obtenir sans lui, pas le moindre viatique humain, pas la plus palpable récolte. Ainsi fulmine la terre glauque. Contre l'épaisseur diffuse d'un somnambulisme empoisonné, la répugnance de l'esprit serait fuite chiffrée, serait plus tard révolte. Jeunesse des dupes, girole de la nuit. Éteindre le tumulte sans un porte-respect. Nous ne jalousions pas les dieux. Nous ne les servions pas, ne les craignions pas. Mais au péril de notre vie, nous attestions leur existence multiple et nous nous émouvions d'être de leur élevage aventureux lorsque cessait leur souvenir. Le vin de la liberté aigrit vite, s'il naît à demi-bu, rejeté au sel. Y'all don't know who y'all messing with. Level, you gotta adjust. Assez creusé, assez miné sa part prochaine. Le pire est d'achat. I see it in different pictures, street major street, level to level. You gotta adjust. You gotta adjust. You gotta adjust. Pictures, street to street, level to level. Just. Assez creusé, assez miné sa part prochaine. Le pire est dans chacun, en chasseur, dans son flanc. Vous qui n'êtes ici qu'une pelle que le temps soulève, retournez-vous sur ce que j'aime, qui sanglote à côté de moi, et fracassez-nous, je vous prie, que je meure une bonne fois. Donc tout à l'heure, je vous disais que René Char s'était retiré à l'Isle-sur-Sorgue dès les années 50, dès après la guerre, mais qu'il avait quand même participé aux manifestations et à la résistance à l'installation des missiles à tête nucléaire sur le plateau d'Albion. Il est mort en 1988, à Paris pourtant. Celui dont Camus disait « Calme bloc ici-bas, chute d'un désastre obscur », où Nicolas de Staël, dans l'ensemble, cet homme est fait de dynamite dont les explosions seraient allées de douceur calme, a été reconnu de son vivant, puisque de son vivant, toute son œuvre a été publiée à la Pléiade. Donc c'est le solitaire sociable, celui qui aimait à se balader dans la campagne et à connaître les noms de toutes les fleurs, qui s'est éteint en 1988 à la suite de troubles cardiovasculaires. Il finit sa vie au Val-de-Grâce à Paris. Voilà pour la vie de René Char. Quand il passe un peu de temps auprès des surréalistes, il se lie d'amitié avec un certain nombre de peintres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui donnera lieu à différents projets, à différents livres, différents ouvrages, différentes expositions même. L'un de ses amis fut le peintre Vieira da Silva, et j'ai retrouvé une archive intéressante à différents niveaux à propos d'un travail commun entre Char et da Silva. Alors attention les oreilles, c'est un document sonore que j'ai trouvé sur le site de l'INA, qui est en fait un extrait du journal de TF1. Journal de TF1, alors je vais retrouver l'année tout de suite. Bon, je ne retrouve pas l'année, mais c'est assez intéressant. Donc si, j'ai retrouvé l'année en 76. Voilà, un reportage dans le journal de TF1 sur René Char et Vieira da Silva. Que de temps passé pour le meilleur ou le pire, je ne sais plus. Restons dans la littérature, mais aussi dans la peinture. L'icône Brice nous propose ce soir une rencontre au sommet. Celle de Vieira da Silva, l'un des grands peintres contemporains, dont vous voyez quelques œuvres derrière moi, avec le poète René Char, considéré comme un des plus prestigieux poètes depuis la disparition de Saint John Perse. Vieira da Silva et René Char se connaissent depuis toujours. Leur amitié est empreinte de respect, de tendresse, une amitié qui se fond aujourd'hui dans une œuvre artistique. René Char a écrit un poème en prose. Vieira da Silva lui a répondu par 7 portraits traités en eau-forte. Un livre d'art a consacré cette rencontre exceptionnelle de l'art et de la littérature. Ce livre a été tiré en très, très peu d'exemplaires. Nicole Brice nous propose un extrait de ce poème, illustré par les eaux-fortes du peintre et quelques portraits de Vieira da Silva. Voulons-nous être inspirés par un autrui différent de nous, aimé pour peu, et non pour ce que nous accomplissons dans le foyer noir de notre secret ? Qui boit à l'éclair goûte aussi son froment. Il n'y a pas de progrès, il y a des naissances successives. L'ardeur du désir, le couteau esquivé de la doctrine. Le consentement des mots et des formes à faire échange de leur passé avec notre présent commençant, une chance cruelle. Fascinant, somme toute, de voir l'artiste raffiner sa faiblesse, conquérir à la fois affirmation et négation, sans diminuer ni nommer ses ressources en leur passion. Une part de nous peut aller et revenir, ou ne pas revenir, dissoute dans le sang qui court, la part des dieux délirants. Il faut que les mots nous laissent, nous poussent à pénétrer seuls dans le pays, qu'ils soient pourvus de cet écho antérieur qui fait occuper au poème toute la place sans se soucier de la vie et de la mort du temps, ni de ce réel dont il est la roue disponible et traversière. Le changement du regard, comme une bergeronnette derrière le laboureur, de motte en motte, s'émerveillant de la terre joueuse nouvellement née qui s'offre à la nourrir parmi tant de frayeurs. Un bonheur de l'œuvre est de sentir s'éloigner d'elle ses proches d'un moment. Ils s'en vont et la quittent pour des délabrements séditieux, des imposteurs tard venus, des puits sans margelle où l'on jette chiens et renards. Convergence des multiples. Cet homme n'était pas généreux parce qu'il voulait se voir généreux dans son miroir. Il était généreux parce qu'il venait des Pléiades et qu'il se détestait. La même ombre prodigue, aux phalanges des doigts relevés, nous joignit, lui et moi. Un soleil qui n'était point pour nous s'en échappa, comme un père en faute ou mal gratifié. Faction du muet. Les pierres se serrèrent dans le rempart, et les hommes vécurent de la mousse des pierres. La pleine nuit portait fusil, et les femmes n'accouchaient plus. L'ignominie avait l'aspect d'un ver d'eau. Je me suis uni au courage de quelques êtres. J'ai vécu violemment, sans vieillir, mon mystère au milieu d'eux. J'ai frissonné de l'existence de tous les autres, comme une barque incontinente au-dessus des fonds cloisonnés. La soif hospitalière. Qui l'entendit jamais se plaindre? Nul autre qu'elle n'aurait pu boire sans mourir les 40 fatigues, attendre loin devant ceux qui plieront après. De l'éveil au couchant, sa manœuvre était mal. Qui a creusé le puits et hisse l'eau gisante, risque son cœur dans l'écart de ses mains. Le nu perdu. Porteront rameau ceux dont l'endurance s'est usée la nuit noueuse qui précède et suit l'éclair. Leur parole reçoit existence du fruit intermittent qui la propage en se dilacérant. Ils sont les fils incestueux de l'entaille et du cygne qui élevèrent aux margelles le cercle en fleurs de la jarre du ralliement. La rage des vents les maintient encore dévêtus contre vol un duvet de nuit noire. Je veux parler d'un ami. Depuis plus de 10 ans que je suis lié avec Camus, bien souvent à son sujet, la grande phrase de Nietzsche réapparaît dans ma mémoire. J'ai toujours mis dans mes écrits toute ma vie et toute ma personne. J'ignore ce que peuvent être des problèmes purement intellectuels. Voilà la raison de la force d'Albert Camus, intacte, reconstituée à mesure et de sa faiblesse continuellement agressée. Il faut croire que l'horloge de la vérité qui ne sonne pas chaque heure, mais la beauté et les drames des temps seuls, peut toujours descendre à Michel par les marches mal éclairées qui, en dépit de ses propres doutes, affirmera, face à la famille des totalitaires et des pyrrhoniens, la valeur des biens de la conscience tourmentée du combat rafraîchissant. De l'œuvre de Camus, je crois pouvoir dire. Ici, sur les champs malheureux, une charrue fervente ouvre la terre, malgré les défenses et malgré la peur. Qu'on me passe ce coup d'aile, je veux parler d'un ami. À la question « Pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu ?» Si par extraordinaire, la mort ne mettait pas le point final à tout, c'est probablement devant autre chose que ce Dieu, inventé par les hommes et à leur mesure, et ajusté, plutôt mal que bien, à leurs contradictions, que nous nous retrouverions. Songer à un carré de linge blanc avec un rayon de soleil qui tombe dessus est une nostalgie d'enfant. Et c'est ainsi que s'achève notre heure en compagnie de René Char. Alors, j'espère que j'ai pu vous intéresser un petit peu à ce poète, dont j'ai découvert beaucoup de la vie en préparant cette émission. Alors bien sûr, il y a plein de manquements, bien sûr ce n'est qu'une heure, bien sûr que ce n'est qu'une approche. J'espère que d'entendre sa voix et les quelques lectures annonantes que j'ai pu faire vous donneront l'envie de poursuivre la lecture de ces ouvrages. Alors pour ceux que ça intéresse, on trouve facilement ces bouquins en occasion chez des libraires ou sinon en tout neuf dans cette collection Poésie Gallimard. Il y a beaucoup la plupart de ces bouquins ont été publiés chez Gallimard. Et puis donc, il y a un volume de la Pléiade qui reprend tout. Mais je voulais finir avec cet argument. Comment vivre sans inconnu dans soi ? Les hommes d'aujourd'hui veulent que le poème soit à l'image de leur vie, faite de si peu d'égards, de si peu d'espace et brûlée d'intolérance. Parce qu'il ne leur est plus possible d'agir suprêmement, dans cette préoccupation fatale de se détruire pour son semblable, parce que leur inerte richesse les freine et les enchaîne, les hommes d'aujourd'hui, l'instinct affaibli, perdent, tout en se gardant vivants jusqu'à la poussière de leur nom. Né de l'appel du devenir et de l'angoisse de la rétention, le poème, s'élevant de son puits de boue et d'étoiles, témoignera presque silencieusement qu'il n'était rien en lui qui n'existât vraiment ailleurs, dans ce rebelle et solitaire monde des contradictions. La musique qui nous a accompagnés est une musique libre signée Mafoubou. Non, Mabafou. C'est de l'album Sonido del Calao sur le label hippocamp.net et vous trouvez tout ça sur archive.org. In different pictures, street to street, level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to level to